No. Tell you what styles in my Kavini Pupet, you Jesus Christ. Number one for me. Me tell them. Boom. No papa. Tell them say oh. Si yo konsa no papa, obligé no travail ba papa. What style si ma kabene bouti? De yo ka no papa, nou ka mache avey pas a pas. Take dans ma gang and eske yo ton lo. Si yo y ka no papa, ba yo vérité même si yo écrit. What style mwen le mec a kesa toujours dit? Di yo y ka no papa. Final le mec a pou ba yo vérité sans compromis. DJ LC, vérité number one. Hypocrisie dans le gospel, beaucoup d'artistes mènent une vie de rebelle. Vérité number two. Tu veux servir dans certaines églises, faudra passer quelques cours payants. Vérité number three. On prêche tous le même évangile, mais parfois cinq églises dans le même bâtiment. Vérité number four. On devrait tous être en communion. Pourquoi tant de divisions? Dieu conseille nos papas, obligé nos travails, papa. What style si mec a venu pour dire? De yo, qu'est nos papas? Nous qu'a marché un veil pas à pas. Take dans ma gang, n'est-ce que yo ton lot? De yo, qu'est nos papas? Bah yo vérité, même si yo écrit. What style moi les mecs a qu'est ça toujours dit? De yo, qu'est nos papas? Final les mecs a pour bah yo vérité sans compromis. Vérité DJ LC. Accord parental souhaitable pour la cinquième vérité. Excuse-moi ma sœur, mais t'es toujours habillée en fleur de poil. Tu fais des économies de toile. Man, les systèmes bleus de jeans, ce sont toutes en leggings. Elles ne sortent pas, tout qu'on ne voit pas tous leurs strings. Les systèmes bleus de jeans, ce sont toutes en leggings. Elles ne sortent pas, tout qu'on ne voit pas tous leurs strings. Si c'est assis, il va tomber. Faut pas ramasser, parce que si vous baissez, toute l'église qu'a rebaptisé. En plus de ça, c'est lui qui a chanté, il d'ouvre, il qui a dansé. A cause d'elle, toute musicien qui a joué, c'est baissé. Si vous chaud, il prend l'eau glacée, format toujours compressé. Si vous faites un faux mouvement, anatomie, en j'en dévoilé. En bas, sauf quand vous cherchez, maillé, que vous faites maillé. Mais faut savoir que chrétien pas aimé cadeau qui déballe. Les systèmes n'ont plus de jeans, ce sont toutes en leggings. Elles ne sortent pas, tant qu'on ne voit pas tous leurs strings. Les systèmes n'ont plus de jeans, ce sont toutes en leggings. Elles ne sortent pas, tant qu'on ne voit pas tous leurs. Hey, yeah, yeah. Hey, les systèmes. Je vous ai pas dit de pas mettre votre leggings, hein. Mets ton leggings. Mais mieux au plus grand qui cache les femmes qui sont dans le leggings. Parce que nous, le chrétien, on aime les femmes vertueuses. C'est elles que l'on veut rendre heureuse. C'est elles que l'on trouve merveilleuse. Take it on mic again, ok? Yao yao. Et puis, les expositions là, faut arrêter ça, hein. L'église n'est pas un musée à tété. Tonnerre. Aïe, habillez-vous.